Alors, je commence mon travail de nuit, comme d'habitude, à 22 heures et quelques, et je termine à 7 heures et quelques, mais je donne rendez-vous le matin à Myria. L'artiste, là, Myria, la grande Myria, celle que vous connaissez, l'artiste peintre. À Limoilou, au coin de la 16e rue et de la 3e avenue, je dis, regarde, moi, je connais ça, moi, Limoilou, là, ma petite mini, hein? Moi, je suis un gars, il y en a. Pas de problème avec ça, là, tu sais, on se raconte là. Les personnages seront pas là. Ticu Beaudoin, je l'ai pas admis. Rita Bibelot sera pas. Non. Même machin Grenon, ben, pas du tout, pas machin Grenon. Je serai seul en scène. J'espère pas en scène, quoi. Hein? On va prendre une création. Parce que moi et Myria avons un projet de création artistique. Attention, c'est sérieux. Mais je peux pas en dévoiler davantage la technique et la façon de faire, puisque il y a rien de même, je lui ai même pas demandé. Ça fait quand on se rencontre là? Après mon quart de travail, donc j'étais assez épuisé, merci. Et j'avais déjà décidé, comme le gentleman que je suis, de marcher avec elle, histoire de nous relater notre existence et voir notre futur. Oui, bon, on va marcher, on va monter dans le Vieux-Québec. Ensuite, on va descendre vers les Vieux-Ports, puis on va finir à la nage dans le fleuve Saint-Laurent. On fait ça régulièrement. Avec qui? Avec moi-même. Et tous mes personnages. On fait des concours de nage. Ben, hey, on est au mois de janvier! Puis ça, t'as-tu peur du mois de janvier, toi, là? Hey, toi, c'est rendu, t'as peur d'attraper la grippe. T'as peur d'attraper, comment t'appelles ça, la bière? En tout cas, t'as peur d'aller, hein? Tous les microbes, toi, ça te fait peur. T'as peur du mois de janvier, là. Le pire qui peut t'arriver, c'est de te faire attaquer par le mois de janvier. Puis moi, regarde, mois de juillet, là, je l'ai... Il y a eu un gros match de boxe, là, entre Reynald Gagné et le mois de juillet. Tu l'as vu? Au Madison Square Garden. C'était plein à craquer. C'est pas la seule qui était bourrée, c'était moi, là. J'étais sur le ring et je disais, où est-il, le mois de juillet? Le mois de juillet m'arrive. Brûlant! Brillant! Plus brillant que moi. Moi, je suis la veilleuse, hein. Je suis un gars de nuit, moi. Puis là, il me regarde avec ses yeux bourrés de violence en me disant, moi, les gars de nuit, là, au mois de juillet, je les haïs. Je pensais pas qu'il y avait une voix comme ça. Normalement, c'est pas romantique, c'est le mois de juillet. C'est pas de la chaleur, c'est pas de la beauté, c'est pas de la volupté. Mais pas lui. Lui, là, il se disait, parce que c'était en 2012, il disait, « Moi, je vais vous faire suer. Je vais vous en donner du cancer de la peau, moi, là. Il y a aucun problème. Je vais anéantir la planète. » Un vrai méchant, là. C'est ça, comme on les aime. En fait, Hollywood adore ça, ce genre d'affaires-là. Là. Hein? C'est la fièvre. Oh, j'ai marché toute la journée avec Myria. Oh. Ouais, là, je me suis dit, si je plante le micro puis le porto, pas maintenant le porto, mais le micro maintenant, ici et maintenant, comme je lui ai déjà dit, être au monde, c'est être toujours déjà là. Je la comprends pas, celle-là, mais j'aime bien la divulguer à tout le monde. Et à un moment donné, ils vont me la raconter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va la saisir, qui va me faire une petite nomenclature de ce que je viens de balancer d'aussi profond. Mon professeur de philosophie m'a dit, si tu réussis ça, là, à me répondre à cette... à m'énumérer ta façon de voir cette parabole. Non, ouais, parabole, c'est parabole. Je me suis débranché à parabole, puis je prends absolument aucun poste. Non, c'est pas cette parabole-là. Ah, mon Dieu, c'est pas avec numérique ajouté et puis surround. Non. C'est une phrase imagée. J'ai ouvert ma télé, il n'y a pas d'image. C'est pas cette image-là, c'est dans ta tête. Oh mon Dieu, faut se brancher ça dans le cervelet. Ça, c'est quoi? C'est pas des camps de concentration intellectuelle. C'est du drink washing. Stranger than the light. Hey, ça, c'est du drink washing, hein? Deux drink washing, s'il vous plaît, madame. Oh, j'en vois trois. Toi, madame, ça va pas avant. Oui, là, oui, ma petite humain. Oui, là, oui. Fait que là, j'étais avec Juillet, toujours sur le ring, hein. Vous suivez, hein? Je reviens des fois, là. Ça, je repars, je reviens, là. Je vais et je viens dans l'imaginaire. Et puis, je me retiens pas. Donc. Excusez-moi, je m'étouffe. À moitié mort avant d'ouvrir le micro. Mais si je suis incapable de faire cette émission-là ce soir, elle m'a brûlé la petite myriage. Je ne suis qu'un vieux schnock avec ma bouche, mes yeux qui tombent, mes cheveux qui tombent. Qu'est-ce qui tombe? Tout tombe. Sauf le principal. Oh! Ah, oh, ça tombe pas. Ça tombe pas. Non, le moral ne tombe pas. Ah, oh, c'est le moral. Ben oui, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, les messieurs. Juillet me regarde. Je suis sur le ring à Madison Square Garden, bourré à pain. Bourré. Bourré, c'est plein de monde ont payé le gros prix. C'est quoi le gros prix? Ah, c'est de la grosse argent. Puis on avait même des chars d'assaut pour lever cet argent-là, parce que c'est pas de la petite, là. C'est de la grosse argent sale que tout le monde, c'était il y avait le monde de la pègre, c'était tout du marché noir là, puis on donnait des affiches. Oui, parce que je vendais également pendant cette dure rencontre des peintures de Myria numérotées. Avec ça, on a fait un peu d'argent, là. J'ai dit, hey, moi, je connais ça, le marketing, ma belle Myria, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Amène-moi-en des toiles. Amène-moi-en, moi, t'en photocopier. Là, j'ai photocopié 250. Hey, comment ça compte-t-il, Madison Square Garden, madame? 200? Non, plus que ça. 2000? Non, au moins 75 000. Parce qu'il y en avait sur les toiles, il y en avait partout. Pour voir Rénal gagner le mois de juillet. Comme, avez-vous déjà vu le mois de juillet se battre? Se battre contre la pluie, se battre contre le vent, se battre contre les nuages. Non, se battre contre Rénal! Ben là, j'ai jamais vu une personne... Oui, peut-être... Oui, lorsque il brille trop, donc il crée des petits problèmes à la peau, puis les gens essayent de combattre et ils vont mourir, ils meurent. C'est la triste... Non, un vrai, un véritable combat! Ah, mais j'ai jamais vu ça. Mais voilà, ce soir, c'est ça. Mois de juillet contre un. Ping! Premier round. Et c'est, moi, je me sentais aisé parce que j'avais mon groupe de supporters, les membres de CKRL et les membres de l'Errance Rénaldienne en même temps. Ça criait « Rénal! Rénal! » À un moment donné, je les regarde. Hey, « Merci! » Pow! Un coup de poing du mois de juillet. Aïe, aïe, donc. J'étais comme brûlé au troisième degré. Donc, mes joues s'est affaissé. Ça commençait déjà à descendre. À décembre? Ah oui, c'était le décembre au mois de juillet. Ça va être peut-être Noël bientôt, là. Père Noël. Il n'y avait pas de Père Noël dans le coin. Il y avait juste des parapluies, des parasols et des paradigmes. Oh, c'est beau, ça, merci. Paradigme, allez voir ça sur Internet. Paradigme, goggle, paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Para, attends, je vais vous l'appeler. Comment? On va l'appeler paradigme. Digne de ce mot. Je le garderai secret dans ma tête. Non, on va te l'ouvrir. Non, ouvrez-moi pas le crâne. Ils ont fait la lobotomie hier, fait que ça n'a pas très bien tenu. Regardez-moi les points de soudure, là. Non, c'est de suture. Souture. Souture, c'est de la soudure, moi, là. Regarde, c'est coupé. Ça saigne encore. Alors, il se prend pour le Jésus de Nazareth, là. Alors, l'histoire veut que j'ai décidé d'ouvrir le micro ce soir et de vous faire un excellent spectacle. Merci, madame. Passe la quête. Ah oui. On va ramasser de l'argent. Passe. Le petit sac brun. Ah oui, dans sa coche. Mesdames et messieurs, merci. Si vous voyez TQ Tremblay avec... comment t'appelles ça? Pas de sacoche. Non, c'est quoi, madame? Je sais pas. C'est une boîte? Oui, un sarcophage. Si vous voyez TQ Baudouin avec un sarcophage... glisser quelques dollars. Ce sera apprécié pour la suite du monde et tout ce qui s'ensuit. Il suit. Attends un peu. Après, le monde, c'est quoi? Ben, c'est le non-monde. Hein? C'est l'univers au-delà du rénal. Non, du réel. Du réel. La rénalité jamais trouvée. Quoi qu'abandonné, abandonné, oui, abandonné par plusieurs concitoyens. Et on sait que nos concitoyens ne sont pas si consciencieux de leur rénal. Hein? Là, c'est le moment d'entendre. OK, OK, avez-vous le violon? C'est pas le violon, ça, c'est quoi? C'est le guenon. Non, c'est le phoque, c'est pas la guenon, t'es toute mêlée. Ah, moi, les animaux. J'ai échoué mon cours d'animalerie. Lorsque j'étais petit, donc je n'ai jamais été aussi minuscule que maintenant dans mon cerveau. Regardez-moi ça, il y a un petit poids très sec. Ting, ting, ting, ça cogne. Bon, OK. On parle-tu de la canne à moteur? Oui, oui, on y va. Oui, oui, c'est parce que j'ai essayé la semaine dernière une nouvelle trouvaille, l'invention du siècle pour les gens qui souffrent d'un problème de jambe. Quoique, ben c'est pas dans ta tête, là. C'est, non, non, c'est non, dans la réalité. Gens qui prennent une canne. Oui. Ben pour aller plus vite, là, j'ai inventé une canne à moteur. Oh mon Dieu, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement. Vous placez la canne par terre. Pouf, elle part avec vous, mon cher ami, partout. S'il y a un GPS là-dessus, si vous savez pas où aller, vous le programmez d'avance. Exemple, là, vous êtes dans le quartier du Vieux-Québec, comme j'ai été tout à l'heure avec Myria, au coin de Sainte-Famille, puis les Remparts. Vous voulez aller à CKRL au 405 3e avenue, tu programmes ta canne. Alors là, c'est quoi la rue ici? Le monsieur de la radio a dit 4e rue. Non, non, nous sommes où? Les remparts? Y a-tu remparts sur la canne? Randonneurs? Non, c'est où les randonneurs à Québec? Non, non, c'est remparts. Ah oui, remparts, oui. Puis où? Sainte-Doune, Sainte-Manine, Sainte-Famine, Sainte-Famille, OK, Sainte-Famille. Destination 405. Écris CKRL, voir. Ah oui, CKRL. Hein, ça se fait tout seul, c'est automatique! Alors, CKRL, là, il faut presser sur go, go. Brrr, et tu pars, mon ami. Pas de lumière là-dessus. Brrr, en cinglé. 3 minutes plus tard, t'es arrivé à CKRL. Le cheveu que... Moi, j'avais une perruque, moi. J'ai perdu 18 perruques avec sa maudite canne-là, là. Puis à un moment donné, j'ai appelé la compagnie. Pouvez-vous mettre ça moins rapide, cette canne à moteur-là? Ils ont dit, non, ça c'est révolutionnaire, c'est pour oublier que vous avez des problèmes de locomotion. Ben là, c'est pas ça que... Merci, monsieur, là, mais j'avais pas besoin de ça. Pourquoi vous avez acheté une canne à moteur? Je prenais une canne traditionnelle. Pour les gens qui sont plus évolués, toi, là, t'es-tu évolué? Je suis membre de CKRL. T'es évolué, toi. Bienvenue à la maison, on t'embrasse, bravo. Tu iras loin dans la vie. Ben, il me reste encore 3 ans. Ben, essayez de syntoniser CKRL, parce que moi, je reste pas à Québec. Oh mon Dieu, ben, prends l'Internet. Comment je prends ça, l'Internet? À gauche, à droite? Non, non, ça, c'est une boîte. Une boîte. Une boîte virtuelle, OK? Qu'on appelle un ordinateur. Ah, mais j'ai de la misère à avoir le guichet automatique. Bon, je vais rester avec ma canne moteur, puis moi aller écouter CKRL en direct de CKRL. Excellente idée, mon petit champion! Alors, la tirade rénaldienne, c'est « Devant toi, je deviens ovnibulé. » Oh, c'est beau, ça! Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 18 janvier 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. C'est toujours un bon matin, touchant ça. Parce que les gens se disent... Où est la direction? Avec la canne à moteur, tout est indiqué sur le GPS. Oh mon Dieu, comment vous vendez ça, cette canne-là? Vous n'avez jamais dit... Ah non, on va vous le dire. 350 livres sterling. Comment ça, sterling? Oh, moi, j'ai fait faire ça en Angleterre pour faire plus d'argent. Sinon, c'est 25$ québécois. Là. L'argent québécois? Ben oui! T'as pas su ça? L'indépendance a eu lieu, là, à la fin 2012, en début 2013. Ça fait déjà 18 jours qu'on était dépendants. Ah, mon Dieu, bravo, bravo, bravo! Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Victoria Bedos. Victoria Bedos est née en un jour. On va rester gentil. Très gentil, gentil. Au pied, tranquille, tranquille. Tire la langue, tire la langue. Bon, amène le cadeau, amène le cadeau. Bon, fais un petit cadeau, fais un petit cadeau. Non, pas être sur le plancher. Non, non, dehors, à l'extérieur. Enveloppe-le, enveloppe-le. Bon. Mets-le dans la poubelle directement. Dans les petits cadeaux, là. On demande aux enfants, veux-tu faire un petit cadeau à papa? Vous faites un petit cadeau à papa. S'il vous plaît, papa serait content. Fais un petit cadeau. Un petit cadeau. Pas capable. Et moi, je fais des gros cadeaux, mais il ne fallait rien savoir. Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. Alors, journaliste, dramaturge et scénariste français, c'est la fille de Guy Bedos, c'est de Joël Berco. Victoria a été journaliste à Télésynopse, supplément de Nouvel Observateur, aux Incorruptibles, ainsi que pour le magazine féminin Glamour. L'artiste enchaîne les projets journaliste, scénariste, chroniqueuse, écrivaine. Elle a sorti son premier ouvrage, Le Béni, chez Plon, en 2003. Elle est chanteuse également pour le groupe Vicky Banjo. Errance Renadienne était là en 2012 pour la rencontrer. La preuve... Faire mon café. Tu m'as mal parlé. Tu m'as piétiné. Tu m'as enflammé. Je me suis cramé. Tu n'as vraiment pas compris qui j'étais. Et tu ne vois pas celle que je serai. T'as voulu me détruire. Tu m'as mis à terre. J'aurais dû m'enfuir. Mais je t'ai laissé. C'est une très jolie langue, c'est une langue très poétique. Est-ce que tu la connais? Ben, non. Alors, pour le film J'ai des petites notions parce que j'ai dû faire toute une enquête dessus. En revanche, non, je ne la connais pas, mais j'ai envie de l'apprendre pour le film. Mais lorsque tu fais un travail de rédaction, est-ce que tu fais une recherche aussi? Ah oui, oui, et c'est ce que j'adore d'ailleurs, parce que pour les sourds, ben, j'ai rencontré plein de sourds, pour là, sur les animaux. Est-ce qu'ils entendent à rire? C'est une blague. Okay. Mais en fait, alors ça dépend, parce qu'il y a des sourds qui lisent sur les lèvres. Oui. Il y a des sourds qui, pas du tout. Okay. Il y a des sourds qui ont appris à parler. Il y a plusieurs sortes, en fait. Et, plusieurs sortes de sourds, plusieurs ouais, sortes non, coopération, non, de coopération. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a qui refusent la langue des signes. Okay. Parce que pour eux, c'est une langue pour les entendants. Enfin, okay. Okay. Et donc, ils préfèrent. Bon, après, il y a plein de choses. Okay. Et la langue des signes est une langue qui est très symbolique, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, les sourds, ils construisent pas du tout leurs phrases comme nous. C'est par exemple, là, tu me diras, tu veux boire un café. Ouais. Et eux, ils disent café, boire. Ok. Verbe et voilà, nom. Voilà. Et okay. C'est des symboles. C'est comme des, ouais, comme des dessins, okay. En fait. Et à chaque fois que tu fais un travail littéraire, tu vas enquêter sur ton ouais. sujet. Et par exemple là, dialoguer, c'est beaucoup de travail. Mais okay. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. C'est que dialoguer des sourds. Or, nos producteurs ne veulent pas beaucoup de sous-titres parce qu'après ils ont du mal à le vendre. Et il faut que ce soit aussi compréhensible. Mais du coup, c'est la petite entendante qui fait la traduction. Donc du coup, ça, c'est très étrange. Par exemple. Dans mon film, il y a les parents qui sont sourds et Paula qui n'est pas sourd. Oui. Sa mère lui dit « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» Bon, elle le dit en langage des sourds. Oui. Donc, les gens ne vont pas comprendre, le spectateur. Donc, pour qu'ils comprennent, c'est la petite qui fait « Tu veux le sel, c'est ça ?» Ok, ok. Donc, okay. En fait, on est tout le temps dans la réception de l'information, oui. Okay. Qui est un dialogue très particulier. Alors, on n'a pas vraiment de décodage à faire parce que non, l'autre Non, parce va... qu'en fait, l'autre réceptionne l'info et on comprend, en fait, du coup, ce que la personne a dit. Ok, si tu étais une langue... On l'a dit, la langue ouais. des signes, oui. Si tu étais une époque. Ah, la belle époque. C'est laquelle? La belle époque, c'est fin 19e, début 20e, ou les années folles. Ok, c'est pourquoi? Entre les deux. Bah, d'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle La belle époque, je suis okay. d'un autre siècle, okay. qui parle en fait d'une femme qui comprend pas pourquoi les femmes se sont battues pour travailler et qu'elle aurait adoré. Ah oui, on pourrait, ouais, les filles, ben, la coulée ouais. douce, ouais, ouais. Avec un homme qui bosse à sa place. Enfin, et ouais. C'est un vieux truc de feignasse aussi, mais enfin. Et en fait, là. La belle époque, bah, c'était une époque de prospérité comme jamais on connaîtra ça, où tout d'un coup il y avait vraiment, c'était les expositions universelles, c'était le progrès, on était dans une sorte d'excitation intellectuelle, artistique, qui était assez belle, et puis les vêtements étaient magnifiques, moi je suis dingue de corsets, de robes, de tout ça, je trouve ça sublime. Et les années folles, c'était vraiment au point où on en est, dansons sur les tombes. Oui. Et ce principe, là, pour le coup, qu'on peut... Moi, il y a un côté... À la Boris Vian, j'ai l'écoute. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, on a un ton, paraît-il, un peu à la Boris Vian. C'est-à-dire, okay. mais c'est un ton de crise. Oui. C'est-à-dire que, puisque de toute façon, on est foutus, entre guillemets, chantons et dansons. Amusons-nous amusons-nous parce avant que, la fin. Avant la fin. Parce que c'est court. Exactement. hungry for the power. Hour after hour. I'm hungry for the power. Hungry for the power. Crazy for your love. Love is my love. I'm hungry for the power. Hour after hour. Crazy for your love. But love is not enough. I'm hungry for the power. Hour after hour. Crazy for your love. But love is not enough. The power. Crazy for your love, but love is not enough. I'm hungry for the pop, hip hop, house, trance. Getting up and out of that buffalo stance. I can give you love, baby, not romance. So get set, jet set, Bordeaux, France. Italy to Iceland, raise your hands. Not enough passport, too much stamps. Flying to Hawaii with the Pro Bowl champs. Shake it like a dirty bird, end zone dance. Checkbooks and netbooks and fresh looks. I drop names like Dykes, read bell hooks. Diamond is the word with the capital P. Don't you ever even think of trying to f*** with me. Au départ, pas du tout. Enfin, je dirais pas du tout. C'est-à-dire que je trouve que le féminisme ancien, c'est-à-dire de nos mamans, est un peu... 70 ouais, est un peu désuet. Mmh. Je trouve que maintenant, il faut se réadapter à un féminisme moderne. C'est une autre voie, c'est-à-dire quand même ne plus se battre pour écraser les hommes, mais trouver une sorte de conciliation, un terrain d'entente. Parce que le combat est différent maintenant. Je crois qu'on professionnellement et tout ça, il y a encore plein de choses à gérer, mais je suis pas sûre que les femmes modernes, au sens on travaille, on est des petits mecs, soient heureuses comme ça non plus. Donc je trouve qu'il faut retrouver notre place de femme, et une femme et un homme, c'est pas la même chose. Non. À l'origine, non. Non, donc il faut arrêter de se prendre pour un homme. Quoi. Est-ce que tu crois que les hommes ont changé, les garçons ont changé? Ouais, oh là là. Peut-être pas c'est que en bien. Hein. Non, c'est ça, c'est plus compliqué. Ah ouais, bah, je pense qu'on a eu une filles... castration de la part des femmes qui était. Non, mais les filles ont pris leur place. Non, les gars, par rapport à ça, doivent. Ils ont du mal à retrouver leur place. Ouais. Et c'est vrai qu'on est insupportable. C'est-à-dire que moi, je demande à un mec d'être à la fois tendre, gentil, viril, riche, mais pas trop. Enfin, bon, ça... Pour pas être supérieur ni inférieur. Donc, rose, mais pas trop. Pour... Non, rose, mais pas trop. C'est compliqué pour un homme hein, de trouver sa place maintenant. Mais si la personne est authentique et ouais, joue pas de jeu. Exactement. Et toi aussi de son. Pour le coup, du coup, moi je peux être avec différents profils d'hommes. L'important c'est qu'il soit sincère dans son. Qu'il joue pas un rôle soit de beau gosse, soit de riche, soit d'artiste maudit, soit machin, qu'il soit juste là. C'est lui, je suis comme ça, tu m'aimes pas, enfin voilà. Mais on a déjà des visions préfabriquées. Tu sais, on dit que la fille cherche son père. Est-ce que c'est la même chose alors, pour toi? Alors moi, pas du tout. Moi, j'ai souvent pris le contre-pied. Donc, bon, après, c'est un autre processus, hein, mais j'ai pris carrément le contre-pied. C'est-à-dire que j'ai failli épouser quelqu'un qui est l'inverse de mon père. OK, rock and roll. Non, l'inverse, au contraire, de droite... protestant, tu sais, parce que finalement mon père il est plutôt libre d'esprit. Oui, Hollande et... Donc là, non, là j'ai pris quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à mon père, mais le problème c'est que mon père, comme il m'a eu très très très âgé, enfin à 50 ans, je n'ai pas de projection au sens de désir, comme peuvent avoir les petites filles pour leur papa, parce que pour moi c'est... Il est sympa, un vieux monsieur, mais enfin... Mais tu te retrouveras jamais avec un bonhomme un peu plus âgé, beaucoup plus âgé que toi. En tout cas, pas la même différence d'âge, mais mes parents ont 23 ans de différence. Oui. Donc j'ai été élevée sur ce principe. C'est que pour moi, être avec un homme qui a 23 ans plus que moi, ça ne me dérangerait pas au départ. Okay. Bon là, celui que j'ai, il a mon âge, mais enfin... Oui, mais c'est bien, puis il faut faire une progression aussi. Voilà. I wanna Non, c'est merveilleux. En plus, le bruit de la moto. Oui, voilà. Écoute, c'est radiophonique, c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a un mot que j'adore? C'est marrant parce qu'il y a un mot que j'adore et je ne le retrouve plus. Ah oui, c'est ça. C'est le mot ataraxie. Et qui veut dire? Ataraxie, c'est le moment où le bonheur est suprême et il n'y a pas de pic de descente de plaisir ou de montée de plaisir, on est sur une constante de bonheur. Non, mais ça peut pas durer longtemps. Non, c'est pour ça. Mais c'est comme la jouissance. C'est comme la jouissance. Okay, okay, mais c'est un terme qui m'avait marqué en fait dans mes études. J'avais vu ataraxie, je me dis, mais la durée est de combien? C'est the bliss en anglais, okay. En fait. Et la durée est de combien de temps? C'est une fraction de seconde? Oui, ça peut être une fraction de seconde. Okay. Est-ce que ça t'arrive souvent dans une journée? Ah, moi, ouais, mais alors ça redescend très vite. Oui, c'est ça, alors les montagnes russes, quand c'est ça descend. C'est quand même plus comme ça, ouais. Ok. Je suis plus sur des moments d'euphorie, plus de mélancolie, moi. Je suis pas dans cette constante, justement. Et c'est quoi, c'est en voyant une peinture, en voyant. Oui, d'avoir une émotion très forte d'un coup. Moi, je ne suis pas du tout sensible à la peinture, ce qui est un drame, hein, mais le visuel ne me fait pas grand chose. Ok. C'est, parce que déjà, je vois rien. Comment ça? Je suis complètement myope. Okay. Et je me suis fait opérer, je ne l'aimais pas. Parce que par coquetterie. Ouais, puis j'ai pas envie d'être une femme à lunettes. Est-ce que c'est des lunettes à cornes comme, Non, c'est ça, mais j'ai pas envie d'être une femme à lunettes, je sais pas pourquoi, ça me va pas. Elles sont belles. C'est joli, mais je sais pas. Okay. Et j'aime bien en fait ne pas voir. Ça me protège d'une certaine manière. Mais tu entends, donc c'est les oreilles qui C'est les oreilles qui m'ont guidée plus. Écoutes-tu beaucoup la radio? Ouais. Alors j'écoute, moi j'écoute Nostalgie. Oh, radio oui. Classique, qui la radio qui m'a sauvée dans les insomnies. C'est quoi, c'est Radio Classique? Ouais, ouais, okay. J'adore Radio Classique. Okay. Et je trouve qu'il y a même... le jazz, le blues ou... Alors, je suis pas du tout... mon chéri m'a emmené pour la première fois à un concert de jazz. J'y étais jamais allée parce que lui, il a fait une école de jazz et tout ça. Et au départ, c'est pas du tout ma culture et je suis en train de découvrir. Ok. Donc, je suis toute neuve, quoi. Ok. Voilà. Alors j'arrive. C'est ça. Alors, t'es encore néophyte. Complètement. Mais c'est ton copain qui va t'initier. Ah ouais, et j'en ai très envie d'ailleurs. Ok. Mais j'avais une image du jazz super chiante en fait. Miles Davis et... Non mais le free jazz, pour moi en fait, quand il n'y a pas de refrain, quand il n'y a pas un peu de structure dans la chanson, j'ai un peu de mal en fait. Ah ok, toi c'est la free jazz, oui. J'ai un peu de mal. Avec... Ben oui, mais j'ai un peu de mal quand ça part trop en vrille en fait. Ben il faudrait peut-être partir avec les bases. Ouais, pour, il faut, en fait c'est pour ça qu'il m'emmène même dans des concerts qui sont... très conventionnel pour le puis moment. L'ambiance est extraordinaire. Ah, j'adore. Je suis allée au Duc des Lombards, moi. Oui. Et c'était super. Mais c'est plus l'époque où on pouvait fumer, donc c'était non, brumeux. C'est dommage. Mais, ouais. Mais t'es pas fumeuse, ça? Mais non. Alors, en même temps, je fume des bâtons de sucette. Parce que je suis mais fumeuse. Tu les allumes pas? Ben, les gens me l'allument parfois et okay. Je dis ça va puer le cochon grillé. Vraiment, on n'allume pas le plastique, quoi. Okay. Mais je fume des pailles. Ça, par exemple, je peux l'avoir pendant toute la journée. Oui, je fais comme si je la fumais. Ah, ok. Mais j'ai jamais fumé. Mais toute ma famille fume et j'aime l'odeur de la cigarette. Ah. C'est bizarre. Mais j'arrive pas à fumer. J'ai essayé. Mais il y a aussi des cigarettes électroniques. Oui, mais je sais pas, ça me les sucettes. Je prends des sucettes. Thank you. stop to rest for the night. Traveling down south, looking for a good time. Visiting old friends feels right. High school, San Jose time. Some restaurant food je suis fiévreux. Quand? Tu te vantes, mais parce que je suis sorti à l'extérieur. Oh, c'est ton histoire. Et puis, je crois que j'ai attrapé quelque chose. C'est quoi? Ben, j'ai attrapé deux oiseaux moqueurs. Oh! Un corbeau espion. Oh! Et une tourterelle rebelle. OK. Alors là, c'est ça. J'ai sans doute... Je suis fiévreux. OK. Alors, certains oseraient importuner le centre médical d'urgence. Mais moi, je me dis, ça va faire une bonne émission. Pourquoi? Ben, normalement, là, oh, il fait chaud. Là, t'es en sueur. T'es comateux. Alors, t'es hors de toi. Donc, ça fait des très bonnes émissions. Ben, c'est vrai, ça. Ben oui, écoute, moi, je connais ça, là. L'au-delà, tout ce qui est extravagant, tout ce qui nous amène ailleurs, c'est ce moment précis! Oh! Ah, il y croit, lui? Mais oui, il y croit, puis il va y croire jusqu'à la fin de ses jours! OK, merci, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Mais je suis, oui, fiévreux, je suis. Malade également, mais ça, vous le saviez, ça fait des bonnes émissions, hein? Ah, et moi, tellement que je me demande, excusez-moi, hein, que je viens de rentrer dans un tuyau. Ouais, oui, c'est le tuyau de la vie. Oh! Non, c'est le tuyau de l'existence, parce qu'on sait que tout se passe là-dedans. Au prisme. Oh, mon Dieu! C'est le début. Et à l'autre bout, c'est la fin. Entre tout ça, c'est du bonheur. Oh mon Dieu, ça dépend pour qui? Pour Tijo Leferrand, qui à 32 ans a perdu son emploi. Aujourd'hui, il est rendu itinérant. Depuis 22 ans. Crois-tu que son tuyau est intéressant? Non. Ben arrête de dire n'importe quoi, OK? Mon Dieu, êtes-vous fâché? Non, ben, un peu. Okay. Aujourd'hui, le petit prince... Non, le petit prince... Le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là... T'étais pas là? Ben, j'étais semi-là. Semi-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que c'est comme un plancher semi-près là. J'étais là, mais pas là. De quand j'étais, mais rétention du... Oui, OK. Lâche lousse. Ça va couler. Intellectuellement, ça n'allait pas. Comment ça? Ben, j'étais dans un semi-profond sommeil. Non, un sommeil semi-profond. Ah oui? C'est pas ce que mon psychologue m'a dit. Il m'a dit, si tu tombes dans un sommeil, regarde s'il y a de l'eau dans le fond. Tu risques de te noyer. Si tu tombes, imagine-toi que tu montes, comme les montgolfières. Et là, tu vas te voir dans un sommeil des plus exceptionnels, puisque tu seras au septième ciel avec, comment t'appelles ça, l'arc, c'est pas l'arc de triomphe, c'est l'arc, et non, la flaque, non, pas une flaque, la, voyons donc, quand il pleut puis il fait beau, l'arc-en-ciel, oh, merci de m'avoir soufflé, Rita. Oui, c'est toute ma vie, moi, t'avoir soufflé le punch. Oh, en parlant de punch, je me souviens, pendant le temps des fêtes, tu m'avais fait une petite boisson énergisante qui m'avait rendu intelligent. Ah, non, c'était de l'eau. Ah, c'est OK, merveilleux. Aujourd'hui, de l'eau fraîche. OK. Elle est à toi, cette chanson. Pourquoi tu chantes ça? Là, on va venir. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera ses aventures hors normes à travers... Hors normes? Ah oui, le petit homme. Dis, petit homme, serais-tu devenu hors normes? Dis, petit homme, serais-tu devenu hors normes? Comment ça, il n'y a pas d'écho assez intéressant là-dedans, là? On l'a monté au max. Non, c'est pas celui-là. Max. On y va. Oh! OK, merci. Comment ça, t'avais descendu ça? Ben, c'est parce qu'on m'avait, foncièrement indiqué qu'on devait contre-indiquer cette posiologie. Oh, pourquoi? Parce que c'est étourdissant pour le public. OK, on y va comme ça. C'est beau. Ouais, mais les courriels, on prend soin de notre courriel, là. Il y a des gens, oui, qui trouvent que, ça sent le fond. Ils me disent, tu fais ton émission, quoi, dans une cuve? Non, dans une cave. Ah, c'est comment qu'elle s'appelle? Alors donc, aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera ses aventures hors normes à travers ses voyages toujours démesurés, jamais ordinaires. Voici à l'instant l'expédition du Moussaillon Lascar. Le Moussaillon Lascar, ça va. C'est un doux plaisir, ça va, Lascar. En douce et l'arbre, la belle vie de l'orise, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alors, la première la phrase, notre aventure, c'est Peluchette, l'ours blanc de Pigalle. Alors, Moussaillon, je disais, non, mais je cherchais le mot, le nom de notre personnage. Allons, Moussaillon Lascar, raconte-nous cette histoire. Oui, j'ai été. Oh, merci, monsieur Grenier. Vous faites une très bonne émission. C'est bizarre, là, depuis minuit, mais on comprend pas. J'étais avec ma short management, oui, mon épouse. Plouze plombier. Oui. Je l'ai rencontré en Afrique du Nord, voilà. Là, elle m'a dit, marie-moi. Non, c'est Marie-Mé. Marie-Mé, elle va chanter. Je dis, oh non, ferme le son, ferme la. Non, c'est beau, mais c'est trop beau. Moi, je suis pas capable d'écouter trop beau. Je préfère le trop laid. Alors, j'ai été. Excuse-moi, c'est moi, Moussaillon Lascar. Le petit-fils du capitaine Bonhomme. Mon ami, capitaine Bonhomme. En fait, c'était pas. En plus d'être mon ami, c'était mon grand-papa. Mon beau grand-papa. Je l'aimais, mon grand-papa. Tu m'entends, Michel Noël? Moi, je sais que c'est le passé, là. C'était au mois de décembre, mais Michel Noël, c'était tout le temps. Là. Enfin, ben, j'étais avec Épluchette, l'ours blanc de Pigalle. Parce qu'au début, elle habitait à Limoilou. C'était une ours en chaleur, quoi. Elle frayait à travers les rues pour trouver quelques clients. Elle s'épivardait, elle aimait ça. Puis là, elle trouvait que c'était quand même en été, hein, parce que Reynald avait quand même donné un uppercut au mois de juillet, si vous avez écouté le début de l'émission, au Madison Square Garden. Ouais, Erance Reynald. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Avec. Ouais. Au Madison Square Garden. Non, c'est pas à Québec. C'est à New York. Connais-tu ça, New York, les États-Unis? New York. J'ai vu New York, USA. Ben, il y a eu le combat, là. Ça a été présenté non pas pour les athées, mais à la télévision. Les croyants pouvaient aussi voir ça, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux. Au Madison Square Garden, okay? C'est garde-le tranquille, toi, là. Attache-le. Allez-le au pied. Viens t'assurer. Non, il s'est acheté une chienne, puis elle est même pas capable de suivre. Là. Ah oui, tranquille, au pied. Bon. Entendez-vous cette petite... Non? Non, ça c'est moi, là. Non, mais écoutez, là, si vous savez pas. Rita! Mais non, je sais pas la différence. Entre quoi? Entre ta bouche et une queue. Ben voyons donc. Alors, les pluchettes, j'étais. Okay. J'étais au mois d'octobre. Mais pas souvent au mois d'octobre. Plutôt au mois de décembre. Puis au mois de janvier, ben là, je veux pas vous le raconter parce que le 18, c'est passé des affaires extraordinaires. L'ours blanc de Pigalle, qui était homologué à Limoilou, à Québec, a acheté son billet, un aller simple, pour Paris. Sans doute pour une carrière internationale, là, Paris, Paris, puis là, je chante les milliers. Et s'est fait humilier au champ des milliers. Non, c'est pas champ des milliers, c'est Champs-Élysées. Ben, hey, je connais ça, moi, Paris. Non, j'ai pas sacré, madame. Non, c'est ma bouche qui bifurque, là. Regardez, j'ai moi, le problème dans ma bouche, là, je suis pas comme tout le monde, moi. J'ai une langue, puis j'ai des dents. Ouais, c'est ça, puis j'ai un palais en haut puis en bas, puis là, maman, le temps, tu sais, il faut vous articuler ça. Hein? Quand les gens vivent dans le il n'y aura plus de misère. Ils commenceront les beaux jours. Mais tout le monde sera bon, mon frère. Quand les gens vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Oh, la paix. C'est beau, la paix. Hein? Oui, mais c'est mieux que la guerre parce que ça coûte moins cher. Surtout, il n'y a pas de mort. Dans l'amour. Quoique, j'ai connu Réginald Gagné, là. Il s'était amouraché d'une jeunesse, là. Là, la jeunesse lui a dit, Rénal, comble-moi. Puis là, Rénal était pris d'une crise cardiaque. Ouais, il avait un cœur palmé, lui, là. Puis il ne voulait pas greffer parce qu'il ne voulait pas voir d'hôpitaux, il ne voulait pas voir de médecins, puis juste des infirmières. Puis là, les infirmières ont dit, c'est bien beau de nous voir, toi, là, mais tu dois rencontrer le médecin. Il dit, je veux pas rencontrer. Tu vas mourir de ta propre mort. Puis là, il est tombé amoureux. Puis là, il est donc, c'est fait mal. Quand tu tombes amoureux, ça fait mal. Surtout après. Et puis, après l'amour. Après l'amour, c'est le chemin de la douleur et du pardon. Mais avant ça, il était amoureux. Là, son amoureuse a dit, Rénal, vas-y, Rénal. Puis là, il s'est lancé. Le cœur a flanché. Il est mort. tu étais un aliment? Un bonbon. Ah oui, je sais. Ouais, je suis complètement. Ah, allez-vous pas prendre les sucelles de Gainsbourg, non? Ah oui, complètement. Alors, moi, c'est même grossier parce que c'est tellement inévident. Je comprends pourquoi Choupa Choups ne m'a pas encore embauché comme égérie parce que ben oui. Je leur fais une pub. Ah oui? Mais de dingue. Ah bah ben, j'ai toujours une sucette dans la bouche. Alors, tu connais la sucette? Ah, j'adore ça. Si tu étais une saison? Une saison? L'été, je suis une fille du sud. Parce qu'au printemps, je fais des allergies. Oui. En automne-hiver, mais là, c'est plus, là, c'est terminé. Là, là ça va, ça okay. Commence à s'en aller. Printemps-hiver, automne-hiver, je suis frigorifiée, je suis une frileuse. Ouais, mais ça, c'est les filles ont des problèmes de circulation. Ouais, mais j'ai des gros problèmes de circulation, ouais. Donc j'ai les mains tout le temps. Mais la majorité des filles, je sais pas. Mais ouais, c'est très féminin. Ouais, ouais, leurs mains. Et du coup, je prends des bains tout le temps pour ok, ah oui. Et alors, je suis bien qu'en été, moi. Écris-tu dans ton bain? Non, j'arrive pas. Ah, ok, parce qu'il existe un genre de plateau. Oui, pareil, oui, ouais. Ben, oui, oui. J'ai trop peur, là, je me dis. Là, non. Tu sors à tatiner. J'écris sur mon corps, vieille, comme ça. Ouais, une vieille de 62. Si tu étais un membre corporel. Le mien ou celui d'un Non, mais membre corporel, peu importe. Une bouche. Une bouche, ok. Pour la sucette. Ouais. Okay. Si tu étais... Et puis j'adore mettre du rouge à lèvres. Oui, pourquoi? Ben, pour moi, c'est comme si je m'habillais, en fait. Ok. Pour moi, ça fait partie de ma alors, féminité. Alors, tu habilles ta bouche. J'habille ma bouche, ouais. Mais en plus, avec la sucette, ça fait Lolita de... Complètement. De Tana Bokov, donc ça fait triper quelques ouais. Hommes aussi. Il y a un côté Lolita, un peu... Ah, oui. Puis en plus, tu peux jouer avec la sucette, donc ça fait... Si tu étais un moment... Est-ce que tu le fais sur scène? Avec la sucette? Ouais. Ben, non, mais il faudrait que je le fasse. J'ai ben une énorme oui. Sucette en plus qu'on m'a offert et je pense que je vais... Ah oui, j'ai vu ça dans les aéroports. Où on... Oui, ben, où on vend des bonbons aussi. La grosse sucette pleine couleur. Ouais. Ouais, c'est pété. Si tu étais un moment... Mais là, on ne voit plus le visage. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est où la sucette ou ma tronche. Et où la fille? Il faut choisir. Si tu étais un moment de la journée? Ah, le moment de l'apéro. Alors, c'est étrange parce que... c'est un moment, je suis née à 19h. Okay. Et donc mon père montait sur scène au moment juste après. Ah. Et donc il a eu le temps de me voir. Et après il a raconté l'accouchement de ma mère sur scène. Pas vrai. Ça a fait un sketch et tout ça sur la péridurale et tout ça. Ah oui, okay. Il a en impro total, il m'a écrit le texte après. Et il m'a toujours dit qu'à 19h, même bébé, j'avais un coup de blues, mais alors terrible. C'est-à-dire que je me mettais à pleurer ah ouais. Et tout ça. Et donc il m'emmenait voir les arbres et depuis. J'ai un coup de blues à 19h systématiquement et en fait il faut juste que je boive un verre de vin okay. Et le truc s'arrange et tout s'arrange. Et tout s'arrange. Ah, donc c'est vraiment voilà, c'est une période très. C'est entre chien et loup. Il y a quelque chose de chez moi qui est mélancolique et qui en même temps est le début d'une autre phase de la journée, c'est-à-dire la nuit, et j'adore la nuit. Ok, bah oui, en faisant de la musique, en étant sur scène. J'aime les bars, L'ambiance des bars. Ouais, j'aime ça. Ah oui, t'es une fille de bar? Ouais. Encore aujourd'hui, parce que peut-être avec les années, tu ah vois... non, au contraire. Ok, là, t'es dedans. Là. Je suis à Pigalle tout le temps, j'adore les bars, j'adore les ambiances de bars, j'adore ça. Ça, c'est ton côté, peut-être rock'n'roll qui... Un peu plus, mais parfois j'ai l'impression de venir des faubourgs. J'ai un côté un peu parigo, alors okay, que pas oui, du oui. Tout, je viens de Neuilly-sur-Seine, mais enfin bon. Ok, moi, ouais, t'es un peu plus de... Ben, c'est... tu fais de l'osmose, t'es mais vraiment dans le bar. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Une autre personne, quoi. Ben oui. Je serais Diana Ross. Diana Ross. Pourquoi? J'adore Diana. Elle est encore vivante, je crois. Ouais, elle est encore vivante. Ah oui, oui. Me l'enlevez pas. Ah oui, sinon c'est... Je sais pas. J'adore sa vie. Je trouve qu'elle a une vie étonnante et elle mais m'a... Mais pourquoi tu la connais, sa vie? Ben, parce que j'ai regardé un peu. Même quand on regarde la vie de Michael Jackson, il y a la vie bon, de Diana Ross. Parce qu'il est mort, voilà. C'est facile de... Voilà. Mais je sais pas. J'adore cette femme. Elle m'a suivie depuis... moi. En fait, j'ai eu une grosse attirance pour la musique classique. Et Diana Ross. Ok. Je faisais un espèce de mélange entre les deux. J'adore cette femme. Ok. J'aime comment elle change. Je la trouve à la fois très sensible, très drôle. Elle est dans un truc ludique et dans un truc très mélancolique parfois. Alors il marque juste la couleur. Ouais, j'ai un problème d'afro ouais, quoi. Exact. Mes cheveux sont très raides et ils sont roux donc bon, ça n'a oui, rien à voir. Oui, mais t'es blanche aussi, très blanche. Je suis très blanche. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Peut-être que je ferais ma crise d'ado, c'est-à-dire que je me montrerai au monde plus vite. Ok. Mais après, je pense que je pouvais pas faire autrement. J'étais une enfant sage. Ok. Et donc, quand on est une enfant sage, c'est plus long pour dire je veux faire ça. Mais j'ai eu un problème de vocation. Ok. Que je me suis cachée à moi-même que finalement c'était ça ma voix. Ah, ok, tu te refusais. Ouais, parce que je voulais pas faire trop de. Je voulais être discrète en fait. Ok. Je Et là, t'es loin de la discrétion. Et donc là, ouais, donc, je trouve que ça a été un peu trop long. Et en fait, je suis de plus en plus heureuse. Okay. Mais j'ai eu une adolescence et une jeunesse que j'ai pas du tout aimée. Parce que t'étais trop nostalgique. Ouais, trop, j'étais dans le passé. J'étais introvertie, je me sentais pas bien. Mais t'as pas consulté? J'ai essayé et puis en fait, j'avais un problème. J'avais l'impression qu'il y avait trop de subjectivité chez tous les psys que je voyais. Oui. Et du coup, j'arrivais pas. Ben oui. Donc l'écriture est une psychanalyse, oui. De toute façon. Et une guérison aussi, c'est un pas vers la guérison. Donc ça m'a vachement aidé finalement. On fait pas toutes les Nelly Arcand, tu vois. Non, mais on peut s'en sortir. Exactement. Ching cham, ching cham, ching cham. Creating a crime, just armed with melodyne. Looking at a mind, the rhymes are all mine, but no one pays no mind over the ching cham, ching cham, ching cham. In the daytime, face covered by the grime, sucking on a lime when no one pays no mind. Slamming on a rhyme over the ching cham, over the ching cham, ching cham. Super Bowl halftime, anytime is wartime. Second season's pastime, gonorrhea overtime. Fuck that, it's bedtime. No more friend of mine over the ching cham, ching cham. I'll fuck your mind over the springtime. Degrading in your prime, a thought so asinine, but no one pays no mind and no one pays a dime over the ching cham, ching cham. Open your eyes, don't be this way. Though all your dreams are swept away, despair will rise from yesterday. the ching chan, ching chan, ching chan. In the daytime, face covered by the grime, sucking on a lime when no one pays no mind. Slamming on a rhyme over the ching chan, over the ching chan, ching ching chan. Super Bowl halftime, anytime is wartime. Donc plus, moi j'ai hâte de vieillir en fait. Okay. Moi, la jeunesse ne m'a pas du tout intéressée. Mais quel âge tu, à quel âge tu crois que tu seras rendu à ton summum, à ton zénith? Ben, je sais pas. Quand j'étais gamine, je me disais que j'arrêterais de vieillir à 38 ans. Alors, je sais pas pourquoi c'est cet âge-là, mais c'était 38 ans. 38 ans? Ouais. C'est le moment où tu crois avoir atteint une certaine stabilité? Ouais. Une... Je sais pas. Je me dis, je serai déjà mère. Ah, tu veux des enfants? Ah, je veux des enfants. Ouais. Alors, je suis pas pressée, parce que chanter, j'aime faire l'amour et je suis alcoolique en cloque. Ah oui, ça va mal. Tu préfères avoir passé ton état rock'n'roll avant. Exactement. Alors quoi, mi-trentaine? Ouais, mais j'en aurai d'ici 3-4 ans, quoi. Ah, mais c'est quand même récent. Ben, en même temps, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, hein, donc faut commencer à y penser. Hein, plusieurs? Pas trop. Ok, deux? Ouais, c'est la moyenne. Ouais. C'est la moyenne. Enfin, surtout, j'ai pas d'argent pour le moment, je vis dans un studio. Ouais. À part le mettre dans la baignoire, j'ai pas vraiment de... Non, ouais, le bébé dans la baignoire, ça voilà, fait pas très... Voilà, c'est-à-dire que bon... Et puis tu veux bien sûr un gars et une fille. Ah ouais. On n'y peut rien. Et hein. Il est possible que j'ai des jumeaux parce qu'il y a des jumeaux partout dans la famille et comme c'est hérédité. Mais ça saute une génération. Oui, ben justement, on n'en a pas eu. Ça serait là. Donc c'est moi qui vais me taper les jumeaux. Hey, alors là, ça arrête au premier. Ouais. Ben, ça c'est fait après. Mais voilà. ben, tu peux faire un gars et une fille, donc ben, ça ouais. Serait la totale. Mais en fait, j'ai envie d'être enceinte, mais j'ai pas envie d'être mère. C'est assez particulier. J'ai envie de découvrir ce que c'est que cette sensation complètement dingue d'être en cloque. Ah ouais. Le côté mammifère de la chose. Mammifère, l'animal. Ah ouais, je trouve ça dingue. Moi, mon amie d'enfance, ma meilleure amie, est enceinte. Et c'est ma première amie qui est enceinte, vraiment. Et c'est beau, une femme. Et c'est beau. C'est vrai. Ah, je trouve qu'elle est bien. Puis je vais être marraine. Donc j'aime déjà son enfant. Comme ah, si ouais. J'aime bien, j'ai envie de leur dire. Est-ce que tu touches à son ventre? Parce que c'est bon. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très émouvant. Oui, c'est vrai. Puis c'est toi dans quelques années. Exactement. Alors tu fais de la projection. Ouais, un peu. Mais au plaisir de se voir à Québec dans des. Mais j'adorerais. Mais oui. J'ai très envie de venir. Mais alors, il faudrait qu'on organise ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des festivals, des choses comme ça? Oui, festival d'été, à l'heure où on se parle. Là. Alors, en ce moment, pour l'année prochaine. Ben, l'année prochaine, si tu as un album. Mais il y a aussi un festival off, c'est-à-dire dans ce gros festival, il y a un petit festival qui laisse la chance à. Oh, ça serait super nouveaux... ça. Oui. Tu pourras me donner des. Oui, je t'envoie le lien. Ah, super. Et comme oui, ça, on quand envoie... je serai à Québec, je vais tout t'envoyer super, ça. Super, génial. Avec des gens qui produisent des spectacles aussi à Québec. D'accord. Il y en a quelques-uns. Ah, de toute façon, moi. Mais Montréal, c'est peut-être plus grand, là, t'as plus de choix, mais parce que c'est ma ville, Québec. Ah oui, au citron. Pomme. En pomme? Ah, OK, ça va l'air plus citronné. Mais, Québec, tu vois, tu viens de Québec. Québec, d'accord. Québec. Robert Charlebois, Montréal. D'accord. Voilà. Okay. Moi, dans ma ville, on retrouve un endroit qui s'appelle La Petite France, là, vraiment. D'accord. Oui, il y a des rues comme ici. D'accord, c'est pour ça que tu es bien à Paris. Ben, j'ai habité ce quartier-là pendant 10 ans, donc... Montmartre? Non, chez moi. Je veux dire, dans mon vieux... D'accord. Alors, non, ici, je viens chaque année, là. Je reste dans une auberge de jeunesse, je suis juste à côté, là, de l'autre côté, sur Aristide Bruin. D'accord. Et c'est très, très bien. Donc, là, tu fais plusieurs interviews de... Écoute, j'en ai fait. Ben là, je m'en vais demain. D'accord. Ça, c'est moi une, hein? Oui, ben oui, c'est pour ça. Mais je suis ravie, mais en plus, après, j'ai essayé de trouver un créneau. Je sentais que c'était compliqué et tout ça, mais voilà. Ah, mais à la dernière minute, j'en ai fait 34. D'accord. Et tu les as choisis un peu comme ça, par hasard? Par hasard, non. À travers ça, je suis allé au théâtre. D'accord. Et je rencontrais les actrices et les acteurs qui ont fait la pièce que j'avais vue la veille. D'accord. Et je suis allé voir des spectacles et j'ai aussi fait des liens avec des nouveaux chanteurs, des nouveaux groupes comme vous. D'accord. Et toi, ben, ce qui m'a plu là-dedans, c'est ton côté littérateur. Donc, tu t'intéresses à la littérature, bien à sûr. L'écriture et à la chanson. Je l'ai appris en faisant. D'accord. Et j'ai trouvé ça bien. Donc, on va diffuser, on te consacre 3 semaines de mon émission. Super. Oui, et je t'envoie l'original, c'est-à-dire la captation. Super. Juste au montage quand tu arrives en taxi et jusqu'à dans quelques secondes lorsqu'on se fera. Ah, ben génial. Et lorsque tu seras cédulé dans le cadre de mon émission, ben, je te dirai quand et je t'enverrai mon lien d'émission. Super. Comme ça, tu vas l'avoir dans le concept. Eh ben, super. Moi, c'est une émission anarchiste, pamphlétaire et libertaire. Ah, bah, j'ai trois mots que, c'est trois mots que j'accueille avec grand plaisir. C'est un peu la rock'n'roll attitude. D'accord, bah, très bien. Okay. Alors, ça me va comme un gant. Ben, merci d'être passé. Ben, merci à toi. Et ben, à la revoyure. Ah, ben, okay. Ben, j'aimerais bien que ça soit à Québec, ben, ou oui, à Montréal, Québec. En tout oui, cas. Oui, effectivement. Mais, alors, et je t'envoie, alors il faudrait que tu me donnes, mais par Facebook, tu m'enverras ton adresse mail. Comme ça, je t'envoie par WeTransfer. Ah, mais tu peux pas m'envoyer le lien sur Facebook? Alors, il faut que je demande, parce que j'ai un gros problème avec Internet. Je vais demander à Banjo. Ah, mais au pire, non, je vais t'envoyer mon lien. Je vais t'envoyer mon courriel. Ouais, sur comme Facebook. Ça, c'est plus simple, parce que ça, okay. Alors, je peux m'en occuper moi, mais dès que sur Facebook, je suis un peu bon. Ok, je vais t'arranger ça. Génial. Ben, ok, Tourlou, à la prochaine. À bientôt. Puis, c'était tout juste, hein? C'était oui. Aujourd'hui ah ou jamais. J'étais positionnée, c'est-à-dire qu'à 9h, j'avais mis le réveil, j'étais à donf. Je suis venue jusqu'ici, maintenant je vais tout redescendre. Et tu t'es couché tard? Un peu, parce qu'il y avait la fête pour la série que j'ai faite, le truc Lagardère, et on n'a pas arrêté de me donner du champagne, et à un moment donné, j'ai dit, laissez-moi tranquille, j'en ai marre. Oh, ok. Voilà, c'est ça. Et je bulle jusqu'à... Ah ouais, j'ai bullé, j'avais la tête pleine de bulles ce matin. Ah, oh, c'est merveilleux, ouais. C'est merveilleux. Ben merci. À bientôt. Salut, bye.